Oui, bonjour Julien. Voilà, on sent à la voix d'Éric que le départ de l'Angleterre, de l'Europe, est quelque chose qui vous a énormément touché, Éric. Un petit peu. Voilà, ce qui veut dire en bon français qu'il s'en fout complètement. Puisque lui, je vous le rappelle, il a un problème avec sa voiture. Et alors, c'est une histoire, je l'ai trouvée géniale cette histoire. Il achète une voiture neuve, je suppose, Éric. Tout à fait. Hein, une belle voiture de marque allemande, parce qu'il est taxi. Bref, il n'a que des problèmes, bien qu'elle soit neuve. Il la ramène et on lui dit, on va vous la reprendre. Et il diminue. Alors lui, il avait acheté 82 000 euros, il est taxi, je vous le rappelle. Et au bout de 6 mois, ils veulent vous la reprendre combien ? 55 000 euros. Donc on va appeler la marque quand même en leur disant, les gars, ça veut dire que si tout le monde achète une voiture chez vous, 6 mois après, elle vaut quasiment presque 50% de moins. Enfin, un bon 40 en tout cas. Mais bon, ça c'est mon côté méditerranéen, j'exagère toujours un peu. On s'en occupe, Eric, c'est super intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pourquoi une voiture neuve n'arrive pas à être réparée, une voiture de marque qu'on a payée 82 900 euros. Vous nous appelez au 3210. Il y aura du Disney à gagner. C'est le dernier jour pour gagner un voyage Disney. Alors je vous pose tout de suite la question, la magie Disney libérée, délivrée avec la Reine des Neiges, avec Elsa, Anna et Olaf. Le pâté, vous pourrez jouer. Voici maintenant la question. Quel est l'auteur dont Disney s'est inspiré pour le film Blanche-Neige ? Réponse 1, les frères Jacques. Réponse 2, les frères Grimm. Alors vous faites 32-10, touche numéro 2. Je vous conseille plutôt d'aller sur le 2 une deuxième fois. Donc 32-10, touche numéro 2 et encore touche numéro 2. Ou bien SMS RTL au 74-900. Pour m'accompagner aujourd'hui, les meilleurs sont là. Maître Fellono, notre avocate. Bonjour à tous. Et c'est le retour de la grande avocate pénaliste, Maître Novakovic, qui était aux assises pendant tout ce temps-là. Absolument, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous. Bernard Sabat est là également. Ça va, Bernard ? Bonjour Julien, tout va bien. Allez, c'est parti pour 1h30 de négo. Eh oui, Maître Novakovic, hein, 15 jours, là, un gros procès, 15 jours, vous êtes resté assise, c'est absolument, ce qu'il faut comprendre. Hein, absolument, absolument, Julien. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, elle est en super forme, on est heureux de la voir et vous avez manqué aux auditeurs. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui nous ont écrit. Je crois qu'on a reçu, je ne veux pas mentir, mais je n'ai pas l'habitude d'exagérer, je crois qu'on a reçu 2 textos. J'étais sûr que c'était une connerie encore. Non, je plaisante. Allez, Éric, voici le message que vous nous avez laissé sur l'antenne d'RTL. Écoutez bien tous, parce que ce problème de voiture, je le trouve très intéressant. Entre ce qu'on nous dit quand on achète du neuf et la suite. J'ai acheté un véhicule de plus de 82 000 euros. La voiture a été réparée 6 fois pour la même panne. Elle est actuellement immobilisée sur une plateforme. Et on me propose de me rembourser 55 000 euros, soit 28 900 euros de moins que le prix d'achat. Nous allons lancer l'Éric. Éric l'appelle très rapidement. Donc vous l'achetez neuve, 82 900 euros. La livraison a lieu le 12 décembre. Vous l'avez acheté en 2015. Tout fonctionne. 3 mois plus tard, en mars, la voiture se bloque en 5e. Elle ne peut plus rétrograder. Vous allez amener le véhicule chez le vendeur, il vous la répare, vous la récupérez. Même problème, 1 mois plus tard, malgré les réparations, la panne persiste. Au final, vous allez la faire réparer 6 fois. Et à la 6e fois, elle a quel âge la voiture, Eric ? Elle a 6 mois. Elle a 6 mois. Donc une fois par mois, il faut changer la boîte de vitesse. C'est des grosses peines en plus à chaque fois, ce qui doit coûter cher. Mais enfin, elle est sous garantie. Elle est sous garantie, juste aujourd'hui, il ne trouve pas ce qu'elle a. Alors, vous perdez patience, mais vous demandez à ce que le nécessaire soit fait une bonne fois pour toutes auprès du vendeur et du constructeur, puisqu'à chaque fois, immobilisation, je suppose, Maître Novakovic, car il est taxi. Hein. Tout à fait. 55 000 euros. Et là, ce qu'on vous propose, j'explique juste ça à Eric, c'est qu'on vous dit, ben voilà, comme on n'arrive pas à réparer la voiture neuve que vous avez achetée 82 900 euros, eh bien, on va vous la racheter. Et vous l'avez acheté il y a 6 mois, 82 900 euros. Allez, on n'en parle plus, soyons grands seigneurs, on se tape dans la main, on vous donne 55 000 euros. C'est-à-dire que la marque qui vous a vendu une voiture neuve, qui ne marche pas, qui n'arrive pas à réparer, estime que ça perd 27 900 euros en seulement 6 mois. Et c'est illégal. Ah bon ? Qui propose, parce qu'il y a une obligation de conformité, il y a un code de la consommation qui dit une chose très net. Si vous avez un problème qui apparaît dans les 6 mois, puisque c'était acheté avant le 18 mars, dans les 6 mois, eh bien vous avez le constructeur ou le vendeur à l'obligation, de réparer dans les 30 jours. S'il ne peut pas, il échange. Et s'il ne peut pas échanger, il rembourse. Ce n'est pas du tout cette cote mal taillée qui est tout à fait malhonnête. Excusez-moi, je ne vois pas de mots plus sévères. Maître Novakovic. Alors, tout à fait, ce n'est pas du tout. D'abord, à l'image de Mercedes, premièrement, ils auraient dû d'abord réparer. Ils voyaient que ça ne fonctionnait pas, on remplace. Ils ne remplacent pas, ils déprécient le véhicule. Et troisièmement, ce que je trouve inadmissible, d'autant plus inadmissible, c'est que Julien, figurez-vous que notre auditeur a obtenu la condamnation par jugement déjà de Mercedes pour justement un autre véhicule et une condamnation lourde. Donc ça suffit maintenant, on va éviter le jugement et on va essayer de négocier. Et merci. Nous y sommes, nous avons déjà appelé, nous sommes au taquet. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour madame. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, je suis à Mercedes Porte d'Orléans. Oui, exactement. À Montrouge, bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL au moment où je vous parle. Je vous appelle car je suis avec un auditeur qui est un de vos clients, Monsieur Gage, qui a un gros problème, avec son taxi. Excusez-moi, j'ai dit un problème, j'ai remplacé les A par les L. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, le responsable de la concession? Alors, soit le responsable de la concession, soit il a eu Monsieur Tessier, soit il a eu Charles Guillet, soit il a eu Monsieur Coquelin. Alors l'un des trois, c'est ça? Vous les trois à la fois, mais on se comprendra pas sur la ligne. Donc vous une voulez conférence prendre un par un. Celui que vous voulez, madame. Qui vous voulez? Quelqu'un qui peut nous aider parce qu'il a un gros problème avec une voiture neuve qui ne marche jamais. Oui, veuillez patienter. C'est très gentil. Merci. Vous patientez une seconde, Élic, puisque maintenant je remplace les. Vous avez vu les R par les L. Bon, ça se passe bien quand même avec eux, Éric. Il y a pas de conflit vraiment. C'est juste un problème de prix. Merci Eric, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, je me sens beaucoup mieux. Il m'entend pas Eric? Vous m'entendez Eric? Non, il ne m'entend pas Eric, il est en train de dire autre chose, je sais pas, il a le droit de partir. Simplement, je voulais juste passer un appel à tous les auditeurs, soyez sympas. Quand vous nous appelez que vous avez un problème, ce qui serait bien, c'est que vous restiez au téléphone, parce que sinon après je me sens un peu seul. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il Alain? Je suis désolé, mais je pense qu'il y a encore un faux contact. Ah, sur notre... Voilà, donc c'est ça vient de nous. Alors là, franchement, je m'adresse à nos amis d'RTL. Je sais qu'on va déménager dans un an et demi, mais il faut vraiment nous aider sur le standard, parce que c'est maintenant un jour sur deux où on a un faux contact quand on appelle les gens. Donc c'est très difficile pour nous de faire notre travail qui consiste quand même à téléphoner. Alors on va rappeler Eric et on va essayer d'avancer. Je suis vraiment navré. Ça y est, il est de nouveau là. Eric, vous êtes là? Oui, oui, je suis désolé, ça vient de chez nous. Hein. Eric, comment ça se passe quand même avec eux? Ça se passe, le ton est courtois? Ah, le ton est courtois, bien sûr, mais j'ai été ferme et quasiment définitif. J'ai dit que je voulais faire appliquer l'article 1748 pour qu'on me change mon véhicule. On fait ça, on attend qu'ils nous répondent, vous nous faites une petite alerte. Écoutez bien, cette alerte, elle est importante à 9h38. Dès que vous entendez ça, ça veut dire que quelqu'un de Mercedes parle, donc nous le prenons immédiatement sur l'antenne. Oui. Alors, notre auditeur vient de parler de la 1648, c'est vis caché. Mais là, on n'est pas dans les vis cachés, on a la vis de conformité, là, en l'occurrence. Bernard, vous dites à la personne de patienter, juste une petite pause et on va parler avec eux sur RTL. À tout de suite. Salut, c'est Vincent. Ça vous dirait de partir à Miami pour un séjour de rêve? En ce moment, à l'occasion du QVC Tour, tentez votre chance en participant au grand jeu de l'été QVC. Rendez-vous avec QVC à Paris, Nantes, Toulouse, Marseille et Lyon pour déposer votre bulletin dans l'urne RTL QVC. Informations sur QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. RTL, première radio de France. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Chérie, mes valises sont prêtes. Tes valises? Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçu du voyage. Voir conditions sur le site. Et si on parlait véhicule d'occasion? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion? Ouais, tu m'as dit, ouais. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Bon, alors, pour repeindre ton couloir, il te faut deux choses. Un rouleau? Ouais, ça j'ai. Et du savoir-faire? Ah ouais, mais ça j'ai pas. Non, oublie, j'y arriverai jamais. Mais t'as des voisins? Des voisins? Oui, des voisins. Alors tu vas sur Allo Voisin, tu fais ta demande « Cherche peintre pour repeindre mon couloir » et hop, tes voisins te répondent. Allovoisin.com. Besoin d'un service? D'un coup de main pour la maison, le bricolage ou le jardinage? Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com? C'est très utile, un voisin. Carrefour. Val, je reviens de chez Carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Bah, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah bah viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes vendredi, nous sommes en direct et nous sommes là pour vous aider comme chaque jour en ce vendredi 24 juin. Bernard, avez-vous quelqu'un chez Mercedes, s'il vous plaît, pour Eric, le taxi? Écoutez, la dame que vous avez eue à l'antenne est en train de me parler, Julien. Elle me dit, je vous la passe, mais vous allez voir la réponse très mignonne. Allô, madame, de nouveau Julien Courbet en direct sur l'antenne d'RTL. Oui, monsieur, les personnes sont actuellement en rendez-vous clientèle. Donc tout le monde est en rendez-vous clientèle, il n'y a personne chez Mercedes Montrouge qui peut nous parler? C'est ce qu'on vous a dit de dire, en tout cas. Oui. Ce qui est tout à fait normal, et vous faites très bien votre travail. Donc on va appeler le siège, on va appeler Mercedes France, mais je trouve quand même hallucinant que quand on achète chez vous, et ça, vous n'y êtes pour rien, mademoiselle, hein, vous ne faites que votre travail, rassurez-vous. Mais vous direz à ceux qui sont autour de vous et qui vous disent qu'ils ne peuvent pas parler, que quand on achète une Mercedes neuve chez Montrouge, qu'elle tombe 6 fois en panne en 6 mois, qu'on n'arrive pas à la réparer, et qu'au bout de 6 mois, la seule chose qu'on dise aux clients, c'est on va vous reprendre votre voiture en baissant le prix de 30 000 euros, enfin presque. La moindre des choses, c'est au moins de prendre les gens au téléphone. Parce que s'ils ne peuvent même pas assumer ça, c'est vraiment, ça fait peur. Donc, je relance un appel. Qui est le patron de la concession, madame, s'il vous plaît? Monsieur Périnel. Monsieur Périnel. Et donc, il n'est pas du tout là? Non. Bon, ben on lance un appel à monsieur Périnel, directeur de la concession de Mercedes Montrouge. Monsieur Périnel, soyez sympa, il y a un client qui vous a fait confiance, bien qu'il ait déjà gagné un procès contre la marque. Et là, aujourd'hui, c'est un taxi et au bout de 6 mois, on n'arrive toujours pas à réparer sa voiture neuve et on lui propose de lui reprendre avec 30 000 euros de moins. Et ça, monsieur Périnel, je pense que vous ne devez pas l'accepter et vous ne l'acceptez pas si vous étiez au courant. Mais pour ça, il faut que vous nous entendiez. Les chiffres sont les chiffres, c'est moins 34% qu'on lui a proposé. Bien, merci madame. Eh bien, nous allons appeler tout de suite, si vous le voulez bien maintenant, le siège, la relation client. Merci mademoiselle, merci beaucoup. Donc, on est bien d'accord qu'à Montrouge, il y a du monde, mais qu'on ne veut pas nous répondre pour l'instant. Bonjour. Oui, la relation client Mercedes-Benz. Un 900, merci. Ah, de rien, au revoir tout de suite. Madame, voilà, moi c'est clair, c'est net et c'est précis. Je déteste quand on fait ça. Alors, on est chez Mercedes, on n'est pas en fait au service client. Afin de maintenir un service toujours plus performant, vous informons que votre appel est susceptible d'être enregistré. On est au siège en fait, hein, Sarah, on est bien d'accord, on est au siège. C'est bien cela, Julien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu le siège, vous, Eric? Alors oui, moi j'ai eu Madame Gilbert. D'accord, on va la demander. Nous sommes à Montigny-le-Bretonneux, donc cette fois-ci c'est le siège refait. Vous voyez, comme notre ami taxi, Eric, qui a commencé par sa concession, voyant que la concession de Montrouge ne faisait rien, a appelé le siège, on les appelle aussi. Bon, on va récupérer l'appel, dès qu'il y a quelqu'un évidemment, vous me le basculez sur l'antenne. Mais je rappelle qu'Eric, en attendant, comment vous faites d'ailleurs quand le Mercedes, quand la voiture ne marche pas, Eric, en tant que taxi? Ah ben je travaille pas, monsieur, ils m'ont prêté une voiture pour mes besoins personnels. Oui. Mais j'ai pas de compteur, donc je peux pas travailler. Je évidemment. Suis en perte totale. C'est scandaleux. Oh ben vous avez pas de compteur, mais vous pouvez le faire manuellement, ça à la bouche, en conduisant. Ah, non, vous comptez dans votre tête. Un euro. Peut-être des bons clients que je connais depuis longtemps, mais pour du tout venant, toutes les gares et les aéroports, je peux pas les faire. Mais voilà. Je peux pas travailler. Mais Eric, contrôle en gare et en aéroport. Eric, le taxi va pas partout. Il marche pas au soda. Et voilà. Merci Eric, on attend. Fait. On va voir quelqu'un dans une seconde. Est-ce qu'il y a un deuxième cas en parallèle qui s'apprête à être lancé, s'il vous plaît? On me dit que oui. Et celui-ci, décidément, il y a des cas. Ah, une alerte. Apparemment, Sarah me dit qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait intervenir. Oui, effectivement, une concierge m'avait pris au téléphone, mais elle vient de me remettre en attente. Je suis désolée. C'est dommage. Dommage. On y a cru. Remettez-moi la ligne. Là, c'est une musique. C'est le siège de Mercedes, toujours. Allô? Le siège de Mercedes? Ah, c'est la musique. Bon, on attend toujours aussi du côté de Montrouge. Le deuxième cas, vous allez voir, il est pas mal non plus. C'est une dame qui voulait, d'un certain âge, maigrir. Elle est passée par une marque très connue de régime. Et puis sa fille lui a dit, maman, tu ne peux pas faire ce régime parce que c'est déconseillé. Donc elle a annulé. On lui a annulé, on lui a dit ok, et alors maintenant, pour se faire rembourser, effectivement, là c'est le porte-monnaie qui fait ceinture, elle ne touche pas un centime et elle se bat pour se faire rembourser son argent. C'est ce que nous allons faire dans une seconde. Là, nous allons maintenant, puisque tout le monde le dit, puisque tout le monde en parle de ce Brexit, les Anglais quittent l'Europe, eh bien les Anglais quittent l'Europe, mettons-leur. Ce morceau, à chaque fois qu'on parle de l'Angleterre, on passe ce morceau, c'est quand même le titre mythique. Ouais. On verra bien comment tout ceci se terminera. Mais la vie continue de toute façon, mesdames et messieurs. Et quoi qu'il arrive, Europe ou pas Europe, vos petits problèmes au quotidien, c'est sur RTL qu'ils se règlent. London calling to boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. C'était notre façon de fêter le Brexit. Mais il faut rester positif, mesdames et messieurs. Continuez à faire la fête, on est d'accord? Brexit, bardo. Alors, où en est-on sur maintenant Mercedes? Est-ce que quelqu'un répond au siège? Je rappelle qu'à Montrouge, il n'y a personne. La concession de Montrouge, d'après ce que nous a dit l'assistante téléphonique. Vous, de votre côté, au siège, Bernard Sabat. Alors, Sarah est au siège pour l'instant. Et moi, je suis avec la relation client. Et je peux vous dire que pour l'instant, personne ne peut nous parler. On est en attente avec une très jolie musique, elle aussi. Nous allons donc, si vous le voulez bien, attaquer le deuxième cas maintenant. C'est le cas de Cédric. Cédric nous a dit ceci sur l'antenne d'RTL. Ma belle-mère a été limitée sur ses comptes de 500 euros par un programme minceur. Cela fait des mois que l'on attend le remboursement pour des commandes qui n'ont jamais été livrées et qui, en plus, ont été annulées. Alors, il y a plein de petits compléments à faire dans cette histoire. Cédric, bonjour déjà. Vous nous appelez d'où ? Bonjour Julien. J'appelle de Saint-Bosile-de-la-Sylve. J'entends bien encore un qui a des sanglots dans la voix parce que l'Angleterre a quitté l'Europe, c'est ça ? C'est ça. C'est pour ça que vous nous appelez, en fait. Problème de votre maman, vous vous en moquez un peu. Pas vraiment, j'aimerais bien, mais non. Bon. Je préfère ma belle-mère que les Anglais. Oh, voilà, dis donc, c'est une belle déclaration d'amour que vous venez de lui faire. Alors, elle est handicapée, malheureusement, elle quitte la région parisienne pour s'installer chez vous, dans le sud. Oui. Et le 17 février, a une alerte. Je suis désolé Cédric, je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas. Bernard Sabat. Service client de chez Mercedes, Yann. Allô, le service client Yann, bonjour. Bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Alors, je vous explique, monsieur, mon problème. Nous avons Eric qui est chauffeur de taxi qui a acheté une Mercedes neuve à Mercedes Montrouge. Cette Mercedes n'a eu que des galères dans les 6 premiers mois puisque 6 fois il a dû la ramener parce que la voiture se bloque en 5e. Donc lui, à chaque fois qu'il la ramène, on la répare parce qu'elle est garantie, mais il perd ses jours de conduite de taxi. Peu importe, au bout de la 6e fois, il dit maintenant basta, si cette voiture neuve n'est pas capable de marcher, il faut me trouver une solution. Alors on lui dit, excusez-moi, je vais vous couper. Donc si j'ai bien compris, c'est pas un dépannage que vous avez besoin, mais plutôt une réclamation. Oui, enfin, c'est pas le service client. Non, je vais vous passer mes collègues. Là, vous êtes au service dépannage, monsieur, ne quittez pas. Merci, monsieur. Merci. merci à vous. Je vous en prie, décidément. Qu'est-ce que c'est fatigant. Quelle journée compliquée. Entre les Anglais qui s'en vont et eux qui veulent jamais nous répondre. Bon, alors récupérez la paix. Mais c'était bien le service client, Julien. Oui, je sais bien. Mais c'est un autre service dans le service. Bon, je reviens avec vous, Cédric. Et cette fois-ci, on va véritablement appeler pour cette histoire de régime. On va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Vous attendez quoi là? La deuxième démarque? Vous savez, les soldes Conforama, c'est jusqu'à moins 70% dès maintenant. Par exemple, le matelas ComfoBed Win 140 cm est à 199,20€ au lieu de 489€, soit une remise de moins 60%. Vous êtes toujours là? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur Conforama.fr. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il y a un spectacle qui amuse beaucoup Vincent au péage des autoroutes. Ce sont les gens qui se tortillent pour chercher leur ticket. Ah, c'est pas facile quand on est assis avec sa ceinture de sécurité. Il y a aussi les gens qui se tortillent pour chercher leur carte bancaire avant de se rendre compte qu'elle est dans leur veste qu'ils ont mis dans leur coffre pour ne pas qu'elle se froisse. Et là, vous vous dites, il ne doit pas avoir l'air malin, Vincent, quand il cherche son badge télépéage Vinci Autoroute. Eh bien voilà, ça ne risque pas d'arriver parce que le badge Vinci Autoroute, il est collé sur le pare-brise. Et Vincent, il a un pare-brise. Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com. Slip de bain, check. L'écran Total, check. Et le plein de Total Excellium, check. De quoi? Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial. Hey, check, check. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Oh, il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein? C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45, 50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait! 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et une alerte à l'instant, de nouveau sur le cas numéro 1, c'est ça le direct, c'est ce que vous vivez, ça répond, ça répond pas, tout d'un coup ça arrive. Sarah. Julien, j'ai finalement une conseillère chez donc Mercedes, siège social. Donc on n'est pas au service client, on est au siège social. Siège social. À Montigny-les-Bretonneux. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui, bonjour monsieur, c'est madame Schlamter à l'appareil. D'accord, est-ce que madame Gilbert est là à tout hasard? Parce que je crois qu'elle connaît le cas, Karine. Madame Karine Gilbert, oui. Je vais vous la passer. Ah ben voilà. Ne quittez pas. Super, merci. Ne quittez pas. Passez-la moi. S'il vous plaît. Mais je vous en prie, merci. Alors, merci madame, merci. Ça fait partie des grands classiques que j'aime dans l'émission où on passe des fois deux minutes. Pour... Je vous la passe, merci. Oui, je vous la passe. Je vous en prie. Hein. Merci, voilà. Ouais, c'est exactement, exactement ça. Il vaut mieux être trop poli. Bien sûr. Que. C'est plus agréable. Désolé. Hein, plus agréable. Ah là là. Bah là, on va patienter un peu. Hein. Et qu'il ne s'inquiète pas, notre auditeur qui a sa maman, qui a un problème, sa maman handicapée, on va le traiter. Mais je préfère, quand on a comme ça un dossier, aller jusqu'au bout du bout du bout de la logique. Et puis là, il faut régler les problèmes aujourd'hui. Ah bah maintenant. Oui, parce que demain, je ne serai pas là. De toute façon, exactement, Julien, exactement. Donc j'aime autant le régler. On perd pas de temps dans la vie. Aujourd'hui. Alors, ça peut prendre un peu de temps. On va voir si on passe sur l'autre dossier. Oui, Bernard. J'étais donc en parallèle avec la relation client, Julien, de chez Mercedes. On était au dépannage. On a voulu me passer évidemment le service après-vente. Et pour l'instant, on m'a raccroché au nez. Mais je pense que ça a dû couper. Non, mais écoutez, c'est quand même pas terrible cette histoire. Terrible, on appelle Porte d'Orléans. On nous dit il y a absolument personne dans cette concession. On appelle le service relation client. Rappelez-le, Bernard. Je vous donne le go pour appeler la relation client. Parce que ça a raccroché. Alors, c'est peut-être notre standard. Mais là, je crois qu'il n'y est pour rien. Non. Et là, nous sommes toujours avec le siège pour essayer d'avoir Karine Gilbert. Allez, je reviens, si vous le voulez bien. Maintenant, sur le cas de Cédric. Cédric, donc, sa maman. Faites-nous un résumé, tiens, Maître Felonneau, histoire de voir si vous avez un peu bossé votre dossier. Voilà. Enfin, je serais très intéressé de savoir comment ça va se passer. Eh bien, avec Cédric, hier soir, nous avons une petite conversation, justement. C'est lui qui m'a rappelé. Et il m'a dit que sa maman, enfin, sa belle-mère était venue habiter chez eux parce qu'elle n'était pas bien. Elle est handicapée. Mais elle pensait revenir chez elle parce qu'elle avait envie d'être indépendante. Et justement, elle voulait se faire livrer des repas, minceurs, etc. Et quand ses enfants lui ont dit non, mais tu ne peux pas rentrer chez toi, à ce moment-là, elle a décidé effectivement d'annuler sa commande. Mais entre-temps, ce sont des paniers repas qu'on vous livre chez vous. Entre-temps, ça avait été livré, paraît-il, mais à quelqu'un qui n'est pas elle, puisqu'elle n'était pas chez elle, elle était à 800 km. Donc, depuis lors, nous essayons d'obtenir, ils essayent d'obtenir le remboursement. Est-ce qu'ils ont un papier de la part de l'organisme qui dit « Ok, on rembourse » Alors, ils ont eu des conversations téléphoniques à chaque fois en disant écoutez, on va vous rembourser, mais il n'empêche qu'ils ne voient rien venir, ils sont comme Anne, ma sœur Anne, et non seulement la nourriture ne leur a pas été remboursée, mais en plus on leur a facturé une somme, c'est peut-être des frais de résiliation, mais lui dit que cette somme a été débitée alors qu'il n'avait pas encore résilié. Bien. Et Cédric, vous me confirmez qu'il y a eu des conversations téléphoniques où ils vous ont dit on vous rembourse? Oui, c'est ça. D'accord. Exact. Oui, et puis en plus, Julien, ce qui est très pénible dans ce dossier, c'est que en fait, on leur dit on vous rembourse, ils rappellent, ils disent on attend, finalement on se renseigne auprès du transporteur, finalement ça fait des mois que ça dure, stop là encore. Maintenant, il faut qu'ils donnent une position ferme et définitive. Oui, Cédric. En plus, sur les mails, un coup on nous dit c'est TNT, un coup on nous dit que c'est la Poste, qu'ils sont en grève, qu'ils peuvent pas qu'ils peuvent pas communiquer avec eux. Donc vous aimeriez savoir un petit peu maintenant. Vous inquiétez pas, on les appelle dans une seconde parce que je comprends. Ils vous disent il faut voir avec le transporteur, on a besoin de mener notre enquête et c'est jamais le même transporteur. Rapidement, et Maître Novakovic. Une précision quand même. Donc ils ont confirmé quand même qu'ils allaient rembourser par mail du 31 mai. Ah ben alors, il y a eu un mail. Moi, je veux toujours des mails. On me dit il y a pas de mail. Mais Julien, vous croyez quand même pas que je vous ai pas mis un petit mail de côté? Mais qu'est-ce qui vous... Bah oui, mais c'est quand même incroyable, Cédric. Vous saviez pas qu'il y avait eu un mail? Ben si, mais moi j'ai surtout eu au téléphone quoi. Donc. Oui, mais le téléphone, moi ça fait partie des dossiers que je n'aime pas prendre sur l'antenne parce qu'au téléphone vous pouvez me dire n'importe quoi aussi. Je ne dis pas que c'est le cas. Voilà, c'est pour ça que je voulais. Mais j'en ai un. Nous vous confirmons que votre demande a été bien prise en compte, de vous rembourser le plus rapidement possible. Bravo, Maître Novakovic. On se retrouve dans une seconde sur RTL. RTL. Vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam. La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah. Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'arrive sur une grande plage, superbe. Enfin non, une petite plage déserte. Et c'est là que je tombe sur cette fille. Non, je tombe sur ces deux filles. Deux brunes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Deux jumelles, blondes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Et on a fait la fête dans une sorte de village hippie. Un village hippie. Voilà, et après on a fait des brunchs. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15 euros toute l'année. Offre soumise à condition, plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Ce week-end, c'est mon tour d'organiser une fête. J'ai invité des copains pour le match des Bleus. Ça tombe bien, Michel. Market fête ses clients avec des promos imbattables. Jusqu'à demain, la basse-côte 2 étoiles Origine France est à 6,70€ le kilo. Je vais faire des grillades avec une bonne sauce au bleu. Vous allez marquer des points, Michel. Oh, j'espère que je ne serai pas la seule à marquer. Hein. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Viande bovine, basse-côte 2 étoiles à griller, le plateau de 4 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Bonjour, c'est Jade. Je ne sais pas ce que vous faites samedi et dimanche de 13h30 à 14h, mais à votre place, j'écouterai Drôle de semaine. Faites-moi confiance, on va rire. Drôle de semaine. Rendez-vous demain à 13h30 pour le meilleur du rire, Made in RTL. My name is Julian Kobe and I'm happy to be an urban guy with my emission spurfs de rue. What's the sense in sharing this one and only life? Poussin, tu vas au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. On va voir si le monsieur des jingles est bilingue. RTL, 10 o'clock. Il l'est. Allez, l'information, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour Céline. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ils ont choisi de partir à 51,9%. Les Britanniques ont donc voté pour une sortie de l'Union européenne. Première conséquence sur les bourses ce matin qui plonge, moins 10% pour la bourse de Paris. À Londres, les principales banques perdent 30%. Conséquence politique aussi au Royaume-Uni où le Premier ministre David Cameron a annoncé tout à l'heure qu'il allait démissionner. Le peuple britannique a voté et a décidé de quitter l'Union européenne. Sa décision doit être respectée, les résultats ne font aucun doute. Mais je voudrais rassurer les marchés et les investisseurs, notre économie est forte. Je veux également rassurer les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, il n'y aura aucun changement dans l'immédiat pour votre situation. J'ai mené cette campagne de la seule manière que je connaisse. J'ai été très clair quant à mes convictions. Pour moi, ce référendum portait là-dessus et sur rien d'autre. Mais le peuple britannique a pris une décision très claire et a choisi une autre voie. C'est pourquoi le pays a besoin d'un nouveau leadership et je ne pense pas que je devrais continuer à être le capitaine de ce navire pour sa prochaine destination. Il n'y a pas besoin d'un calendrier précis aujourd'hui, mais il devrait y avoir un nouveau Premier ministre d'ici à la conférence du Parti conservateur en octobre. Le Premier ministre britannique David Cameron. Bonjour Marie Billon. Bonjour. Vous êtes la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Cameron démissionnaire, il n'y avait pas d'autre issue possible pour le chef du gouvernement ? Ben non, parce que c'est lui-même acculé à un mur, il a mouillé sa chemise, donc il n'avait vraiment pas le choix. Les Britanniques l'ont mis en échec, lui et tous ceux qui appelaient à voter pour le maintien dans l'UE. Et on sait que Cameron a fait une campagne farouche pour le maintien dans l'Union européenne. C'est vrai, par contre, qu'il avait toujours dit qu'il ne démissionnerait pas en cas de Brexit. Sauf que ça, c'était surtout pour que les Britanniques ne fassent pas de ce référendum un scrutin pour ou anti-Cameron. On savait très bien que sa position serait intenable s'il perdait. Et c'est justement pour lui donner un petit coup de main que cette nuit encore, 84 députés conservateurs pro-Brexit avaient signé une lettre lui demandant de rester Premier ministre en cas de Brexit. Ça n'a pas suffi. Le Premier ministre estime qu'il est désavoué et il a donc décidé de quitter Downing Street dans le futur proche. Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Près de 52% de votants se sont donc prononcés en faveur du Leave, mais le Royaume-Uni semble bien désuni. Ce matin, l'Irlande du Nord et l'Écosse ont voté pour rester dans l'Europe, tout comme Londres, quand le reste, dont l'Angleterre et le Pays de Galles, se sont prononcés en faveur du Brexit. Réunion de crise ce matin à l'Élysée autour de François Hollande avec les principaux ministres concernés. Le Brexit inquiète à l'Élysée, mais il réjouit le Front National. Son vice-président Florian Philippot réclame ce matin sur RTL le même exercice de démocratie pour la France. On reviendra évidemment sur les conséquences de ce vote britannique toute la journée sur RTL. Un mot du temps maintenant, un ciel chargé avec des averses qui s'étirent de l'Aquitaine à la Belgique, des orages du centre au nord-est cet après-midi. Les températures, elles sont en baisse à l'ouest, des 18 à 23 degrés sur les façades de la Manche et de l'Atlantique, jusqu'à 32 en Alsace et 37 en Provence. Les courses à Vincennes et en nocturne ce soir, Bernard Glass vous propose de jouer le 2, le 13, le 7, le 15, le 3, le 6, l'As et le 18. 2, 13, 7, 15, 3, 6, As et 18. Sa dernière minute, c'est le 13, amour orageux. Il est 10h04, vous écoutez RTL et ça peut vous arriver. Continue avec Julien Courbet. Merci en anglais, beaucoup. En français. Oh bon, plus en français qu'en anglais. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, si vous préférez. 11h pour de nouvelles infos. Alors, il y a une alerte. Déjà, je dis bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre à 10h. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Dans une seconde, je vous rappellerai aussi que vous pouvez gagner un séjour Disney. J'espère être bien clair en vous disant que vous partez à 4, que vous dormez à l'hôtel à 4 et que vous avez les deux parcs gratuits. Voilà, j'y reviens dans une seconde. Mais là, nous sommes sur un cas qui est très intéressant. Le cas d'un taxi, mais il pourrait ne pas être taxi, qui achète une voiture neuve, 82 900 euros. C'est une Allemande, une belle voiture, et elle tombe en panne tous les mois. Et pas n'importe quelle panne, la voiture se bloque en cinquième. Il y va une fois. À chaque fois qu'il y va, évidemment, il ne peut plus faire taxi. Vous vous en doutez bien. Et au bout de la sixième fois de six mois, alors que la voiture est neuve, il dit maintenant « basta ». Trouvez-moi une autre solution que les réparations, vous n'arrivez pas à la réparer. Et on lui dit, bah écoutez, vous avez acheté votre voiture 82 000 euros, on va vous donner généreusement 55 000 euros six mois après, on fait tomber de 34% le prix. Et là, il dit, on se fout of me. D'autant plus que ce monsieur a déjà eu des problèmes avec cette marque et qu'il avait gagné un procès, Maître Novakovic, oui, un procès... En 2012. Bon, alors, Eric est toujours en ligne, vous m'entendez, Eric ? Oui, je suis dur là, Julien. Et vous, Sarah, vous avez quelqu'un peut-être au siège ? Et non, malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle. Effectivement, la conseillère, la personne de l'accueil a essayé de joindre à peu près 3-4 personnes. Et malheureusement, elle a juste pris les coordonnées d'Eric, les coordonnées, le numéro client, facture, tout ce que vous voulez. Et elle essaye en vain de ne trouver quelqu'un avant 11h. Mais c'est incroyable. Alors, j'ai appelé celui qui a vendu la voiture, l'enseigne Mercedes-Benz, allô, Porte d'Orléans, à Montrouge, où là, on nous a dit, il n'y a personne. Nous avons appelé le service client, où là, le monsieur m'a dit, vous êtes au service client, mais je suis le monsieur pour ceux qui tombent en panne. Et là, vous n'êtes pas en panne. Donc, je vous passe quelqu'un d'autre, on va donner la parole à Bernard Sabat. Et nous avons appelé le siège, et au siège, il n'y a personne. Eh bien... Je me demande comment il faut pour faire tourner la boutique, c'est ces incroyable. Gens-là. Bernard. Ça y est, 9 minutes 57, j'ai eu quelqu'un enfin du service client qui a pris les références et la plaque d'immatriculation, qui a retrouvé le véhicule, c'est bien donc un taxi, Mercedes 350, toutes les formalités déjà elles sont bonnes. Il revient vers moi dans quelques minutes, Julien, j'attends, je patiente. Nous patientons, mais au siège, nous continuons à essayer de me trouver, mon cher Germain, vous qui êtes un peu le geek de l'équipe, Germain est le community manager. C'est grâce à lui que nous récupérons. Vous avez envoyé le petit tweet parce que voilà ce qu'on fait. Vous savez, nous, on les appelle sur l'antenne. Mais Germain lui envoie un petit tweet à l'adresse de celui que nous essayons d'appeler en disant, monsieur, on parle de vous, on aimerait bien vous avoir. Où en est-on ? Tout est parti. J'attends une réponse. Je vous tiens au courant. Il a une voix sûre. Ah, maître Novakovic. Hein. Quoi ? Il aurait un an de plus. N'importe quoi. Bon, allez, nous allons attaquer N'importe le deuxième quoi. Cas. Si je suis fidèle, moi. Mais je sais bien que vous êtes fidèle. Alors oh, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder de temps en temps un peu la carte. Cédric, je vais vous dire que l'Angleterre reste dans l'Europe ou pas, c'est pas son problème. Lui, le Brexit, il s'en moque pour l'instant. Ce qu'il veut, c'est qu'on règle le problème de sa belle-mère. Donc nous lançons les appels pour cette dame âgée, mais peu importe, qui voulait faire un régime. Et les enfants lui ont dit, maman, tu ne peux pas faire ce régime parce que tu ne peux pas retourner chez toi. Tu es venu chez nous et tu vas y rester parce que ta santé ne te permet pas de vivre seul. Du coup, le régime est parti. On lui a écrit, on va vous rembourser, mais on ne lui rembourse pas. Nous lançons l'appel dans une seconde. Disney, j'espère que vous savez ce que c'est. Si vous n'avez pas été à Disney, offrez-vous ce luxe une fois parce que c'est juste magique. Vous allez vivre 48 heures de magie absolue. 32-10. Touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Et après, vous retapez 2 pour donner la bonne réponse. Je ne devrais pas le faire, mais je le fais pour vous. Ou bien vous envoyez par SMS RTL au 74 900. 4 personnes, hôtel, repas et 2 parcs gratuits. Oui. C'est de l'exceptionnel. Bernard, est-ce qu'il y a une alerte de votre côté ? Oui, Julien, on a quelqu'un. Alors tenez-le en haleine une seconde. Vous êtes capable de le faire ? Je suis capable. On se retrouve là sur RTL après ceci. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les Good Old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Ah, ils ont encore la grosse tête ici. Lidl ? Ils ont le melon, c'est ça ? Ah, non, là c'est la pastèque patron. Aujourd'hui et demain ils envoient du lourd. Hein. 1,99€ la pastèque. Ah du lourd, en effet ouais. Et pour nous, ça crée pataquès la pastèque à moins de 2 euros pièce. Ah, là, c'est vous qui êtes lourd patron, là. Parce que moi, ça me fait pas rire la pastèque à 1,99€ chez Lidl. Eh oh, c'est bon, hein. Tu sais quoi ? On fait pas le point. On est mal, oui. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Calibre 4, 4,5 kg, origine Espagne. Disney et Pixar présentent le monde de Nemo. Dory ! Ah oui, pardon, le monde de Dory. Le poisson à la mémoire défaillante revient au cinéma pour une aventure inoubliable. De quoi on parlait déjà ? Qu'elle oubliera sûrement. Oh, j'ai mal à la tête. Le monde de Nemo. Dory ! Le monde de Dory. Laissez-vous surprendre par la nouvelle pépite signée Pixar. Elle a la tête dans un gobelet. Ah ! Actuellement au cinéma. Avec RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, l'émission qui négocie comme vous négociez en faisant les mêmes numéros. Bernard Sabat, sur le problème de la voiture de notre taxi, où en sommes-nous ? Bah écoutez, ce monsieur qui est charmant et qui vous écoute, je ne sais pas s'il pourra parler, il n'est pas habilité sur le principe, mais il a pris toutes les coordonnées, il nous a promis de nous rappeler. Est-ce qu'il est en ligne ? Il est en ligne. Alors passez-le-moi Bernard, s'il vous plaît. Monsieur, vous êtes là ? Oui. Oui, Julien Courbet en direct sur l'antenne d'RTL, vous pensez que vous allez pouvoir m'aider ? je ferai nécessaire pour transmettre parce que, voilà, la demande. Pour, transmettez ça à votre chef et dites-lui surtout que, honnêtement, là, ce matin, c'est un peu la catastrophe parce qu'on appelle à Montrouge, on nous dit il n'y a personne. On a appelé au siège, on nous dit il n'y a personne. On vous appelle vous, vous allez voir ce que vous pouvez faire. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même quelqu'un qui a acheté une voiture neuve, qui est tombée 6 fois en panne, 6 fois. La 5e se bloque et tout ce qu'on trouve à lui dire après la 6e, c'est on va vous racheter votre voiture 35% moins cher au bout de 6 mois. Donc là, nous, ça nous paraît tellement hallucinant cette histoire qu'on aimerait en savoir un petit peu plus. Bon, je compte sur vous pour nous avoir quelqu'un. Oui. Merci beaucoup. Sarah, alors on va donner le numéro. Sarah, vous, pendant ce temps-là, avec Germain, vous continuez d'appeler, s'il vous plaît, à Montrouge pour voir si quelqu'un est rentré. On ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui va passer ce matin, y compris au siège. On essaye, on ne voulait pas, Julien. Allez, on va avancer. Vous me trouvez le nom du grand patron qu'on l'appelle, parce que je crois qu'un grand patron a toujours besoin, parce qu'il ne le sait pas. Il faut le savoir que le grand patron de Mercedes France ne sait pas ce qui se passe dans ce dossier. Mais quand ils sont au courant, croyez-moi, ils ne sont pas contents, parce que ce sont des marques qui ont une certaine réputation et que là, c'est pas super bon pour la réputation. Ça atteint son image, là, carrément. Mais évidemment. Le deuxième cas, c'est parti. Nous appelons tout de suite maintenant que nous savons de quoi il s'agit pour le régime de la belle-maman de Cédric. Let's go. Après le bip sonore, top à l'appel. Le service sera facturé. Alors, énorme groupe qui fait beaucoup de publicité. Hein. 161% de progression du chiffre d'affaires entre 2014 et 2015. Vous ça avez, fait rêver. Vous avez essayé, vous, de faire les mesdames, vous, du comme j'aime, du régime? Est-ce que j'ai besoin, franchement? Non, ben, vous pourriez avoir un peu moins encore, si non, vous mais vouliez. Je fais du sport, j'ai pas besoin. Et vous, maître Félonneau? Non, ça ne me dit rien parce qu'on vous livre un truc pour 4 mois, je sais pas, je fais ça. Bah me... quoi? Si il y a autant de gens qui l'achètent, c'est que ça doit être bien. Oui, mais je sais pas. Je sais pas. Mais surtout, dites la vérité, vous avez envie de continuer à bien manger, à bien exactement. Boire. Exactement. Bah voilà. En plus. Bah, bien sûr. Non, mais ça m'inspire pas. Bon, voilà. Écoutez, il y en a plein en tout cas qui font confiance et apparemment ça doit marcher s'il cartonne, mais là, c'est plutôt un problème de livraison. Hein. En aucun cas, il est une question de fiabilité du régime ou pas, on n'en sait rien. Non, bien sûr. C'est pas notre problème. Mais eux, ils appliquent à la lettre leurs conditions générales de vente et qu'ils disent la chose suivante. Quand il y a un perte de colis, etc., on fait d'abord une enquête, on rembourse après. Alors vous êtes sympa, mais l'enquête, là, ça fait trop longtemps qu'elle dure. Ah, maintenant, vous devez rembourser. Inadmissible. Vous me ferez la petite alerte, bien sûr, dès que quelqu'un répond chez Comme J'aime. Donc Disney, c'est fait. Vous rappelez aussi que le 12 juillet, il y a la deuxième de votre émission de télé, Faut pas abuser, où on règle vos problèmes comme on le faisait, vous savez, avant, mais là, on le fait sur D8, comme on le faisait. Sur TF1, là c'est sur D8, faut pas abuser avec des vedettes qui donnent des coups de fil pour régler vos problèmes. Vous aviez aimé la première, regardez la deuxième, c'est le 12 juillet à 21h sur D8. Bon Bernard, toujours rien de votre côté? Arrêtez, il Julien, marre, ils ne veulent pas m'aider chez Mercedes. Mais Bernard, il en a marre, vous rendez compte que ça fait 20 ans maintenant, 20 ans que je travaille avec Bernard, 20 ans que je travaille avec vous, Maître Novakovic, 20 ans que je travaille avec Maître Félonneau, c'est fou. Et d'ailleurs, quand on avait commencé, on s'était dit combien de temps ça va durer l'aventure, hein. On s'était dit, et si on se donnait rendez-vous dans 30 ans ou dans 20 ans, et c'est vrai, quoi. Maintenant, quand on fait le bilan, finalement, ça s'est pas si mal passé, parce qu'à l'époque, je me rappelle, on s'était dit, rendez-vous dans 20 ans, même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 50, si on est devenu des grands hommes. Bernard Sabat n'a pas pu venir, son arthrose le fait trop souffrir. Maître Félonneau aussi n'est pas venu. Elle a toujours ses problèmes de reflux. Sylvie Novakovic n'est plus avocate. Elle a un énorme problème à la rate. Bon, enfin bref, ceci étant dit, on n'est plus aussi jeune qu'on l'était il y a 20 ans. Mais on fait, t'imagines la chanson, la catastrophe. On s'était dit rendez-vous, il n'y a personne qui vient. Il y en a un, il a de l'arthrose. Rendez-vous à la sécu. L'autre, il fait sa coloscopie. Le quatrième, il fait la queue à la sécu pour avoir sa carte. Ah, ben c'est la vie. Mais on est toujours frais, on est toujours là et on se bat pour vous. Et Cœur de Pirate est là sur RTL. Dès qu'il y a une alerte, nous basculons sur l'antenne. Un troisième dossier va démarrer. Voici une nouveauté. Cœur de Pirate, en attendant que nos amis de Comme J'aime répondent. Vivre ou ne pas vivre, vivre son rêve même à tout prix, de tout donner le jour et la nuit, s'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre, pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou, faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre, ne pas vivre. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre, ne pas vivre. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Vivre, ne pas vivre. Être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre, ne pas vivre. Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Vivre, ne pas vivre. Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre, ne pas vivre. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre, ne pas vivre. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Cœur de pirate, mais elle n'est pas seule. Vous avez bien sûr reconnu aussi la voix de Marc Lavoine, car il s'agit d'une chanson un peu particulière. Il s'agit du conte musical Les Souliers Rouges, d'après un conte d'Andersen. Il est accompagné donc de Cœur de pirate, mais aussi d'Arthur Ashe. Je voudrais qu'on fasse un mini point info, s'il vous plaît. Un mini point info, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 9h30. Point info. Le point info sur RTL. Voilà, tomber le jingle, je vais le faire moi-même. C'est la minute info. Ouais, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. S'il ne part pas, je l'ai fait moi-même, le jingle. Sur le cas Mercedes, après avoir appelé Montrouge, personne ne répond. Après avoir appelé le siège, il n'y a personne qui. Enfin, personne ne répond à Montrouge. Il n'y a personne pour nous répondre. Au siège de Mercedes France, il n'y a personne non plus pour nous parler. Relation clientèle, est-ce qu'il vous a rappelé? Non, il nous a dit avant 11h qu'on pourrait avoir, au conditionnel, avoir quelqu'un qui nous parlerait. Eh ben dis donc, Eric, hein, 82 900 euros, 6 mois la voiture, 6 fois en panne, 6 fois la 5e qui se bloque et personne ne lui parle pour l'instant. La seule chose qu'on lui propose, c'est de lui racheter sa voiture 35% moins cher. Alors effectivement, s'ils arrivent à la réparer après, je pense qu'ils pourront faire une petite plus-value en la revendant, ça c'est clair. En ce qui concerne les régimes, comme j'aime, là, Sarah n'est pas contente parce qu'elle va vous dire pourquoi. Ah non, je suis très en colère, Julien. Pourquoi? J'ai testé le premier numéro. On me dit tous les conseillers sont occupés. On me raccroche tout bonnement au nez. Alors moi, je tente le deuxième. Et là, c'est la même rengaine. Un détail près, c'est qu'on me demande le numéro du standard qu'évidemment, j'ai rentré. Maintenant, on ne peut que attendre qu'il nous rappelle. On continue l'opération comme j'aime. Qu'il ne s'inquiète pas, on ne va rien lâcher. Un cas vient d'arriver, express. Une maman qui a malheureusement perdu son fils et qui se bat maintenant. Et c'est terrible dans ces moments-là d'être obligée de se battre avec une assurance alors qu'elle nous dit avoir tous les papiers, les avoir tous donnés. C'est de ce cas dont nous allons parler. Nous allons aider cette maman comme nous le faisons pour vous tous. 32-10, n'hésitez pas à nous appeler. Ce sont enfin les soldes Conforama, avec des remises jusqu'à moins 70%. Et vous restez là à m'écouter. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur conforama.fr. Vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah... Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande avec toute leur diversité sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Et si on parlait véhicule d'occasion ? Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines ? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion ? Oui, tu m'as dit. Ah ouais ? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août, Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Intermarché s'engage ! Les cerises d'origine France, les moins chères de France, sont à 3,99€ le kilo ! Mais c'est jusqu'à dimanche, quand Intermarché défend les prix, c'est vous le grand vainqueur ! Intermarché, tous unis contre la vie chère ! Calibre 26+, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Vous avez un problème ? Vous avez besoin de RTL ? C'est le cas express. Faites le 3210 et on vous aide en direct. Bonjour Catherine ! Bonjour. Catherine, vous avez appelé à quelle heure, RTL ? Il y a à peu près 1 heure. Alors Catherine, on a pris votre fiche en urgence parce que si ce que vous nous dites, et on n'a pas pu le vérifier, hein, puisque vous avez appelé il y a à peine quelques minutes, si ce que vous nous dites est vrai, c'est tout simplement scandaleux. Alors on va tenter le coup parce que vous méritez qu'on vous aide, vous avez perdu votre fils, il n'avait que 33 ans dans un accident de voiture. Non, pas un accident de voiture, il est tombé d'un toit. Ah pardon, il est tombé d'un toit. J'avais vu accident, j'ai pensé voiture tout de suite. Le 28 septembre 2014, il avait pris une assurance qui couvrait les accidents de la vie privée. Donc il est tombé d'un toit alors que ce n'était pas son métier. C'était son métier, mais il ne travaillait pas. C'était le dimanche, il aidait un ami. D'accord. Et il était chez l'ami ou chez lui ? Chez l'ami. Bien. Elle a commencé. Vous avez commencé les démarches auprès de l'assurance. Vous avez fourni maintes fois des dizaines de documents et presque deux ans plus tard, l'assurance continue à chercher la petite bête. Hein, c'est ce que vous nous dites. En tout cas, c'est ce que vous avez dit au standard. Il manque toujours quelque chose. Ouais. On vous a même dit à un moment donné, est-ce que non, ça c'est pas possible. Dites-moi la phrase parce que j'ose pas la prononcer moi-même. On m'a demandé si j'avais réellement. Si vous aviez réellement un fils. Oui, bon. Parce que quand mon fils a eu son accident, quand on m'a posé les premières questions le 10 octobre 2014, j'étais incapable de répondre et on m'a pris pour une, voilà. Bien. Pour une personne. Est-ce qu'à un moment donné, Catherine, soyons bien clairs, hein, parce que même s'il y a beaucoup de chagrin derrière tout ça, nous ne pouvons pas faire plus que ce que la loi nous autorise à faire. Mais est-ce que, Catherine, on vous reproche des choses particulières ? Est-ce qu'on dit, par exemple, ce monsieur n'avait pas été sur ce toit à ce moment-là ? Ce monsieur n'avait pas été chez un. Non, bon, alors écoutez. On va les appeler tout de suite si une avocate a quelque chose à dire. Oui, Julien, je suis absolument scandalisée par ce manque, je dirais, d'humanité de la part de l'assurance. Donc on va les contacter, les alerter sur le fait que vraiment c'est inadmissible, parce que dans ces moments-là, forcément, cette maman, elle doit être désespérée et n'a pas la force de se battre avec l'administration. Ça s'est passé, enfin, elle a lancé les démarches en octobre 2014. Ce qui est inadmissible, c'est pas le fait qu'ils ne remboursent pas, s'ils ont une bonne raison. Ce qui est inadmissible, c'est que deux ans après, on soit obligé de continuer à se battre. Soit on lui dit tout de suite, madame, votre fils ne sera pas assuré. Exactement. Car, et malgré le chagrin que l'on peut avoir dans ces cas-là, si une assurance, si vous n'entrez pas dans les clous de l'assurance, et eh bien c'est normal que vous ne soyez pas assuré. Je dis n'importe quoi, mais s'il est marqué sur l'assurance, s'il tombe d'un toit, il ne sera pas assuré, eh bien on n'en parle plus, on vous envoie une lettre. Mais pendant deux ans, demander à une mère comme ça, renvoie un papier, c'est pas possible. Surtout que c'est bien, on me demande, je suis continuellement avec le procureur de la République à demander des documents qui sont très très durs à obtenir. Ouais, bon, on va appeler, ne perdons pas de temps bêtement, rapidement. Je rappelle quand même que les contrats, la loi prévoit que le capital ou la rente doit être versée dans le mois où le dossier est complet. Mais on ne met pas deux ans pour parfaire un dossier. Et vous savez que les sanctions sont graves parce que si vous tardez à payer, compagnie d'assurance, les intérêts sont auto-légales sont doublés, voire triplés, pour effectivement éviter que ce genre de situation existe. Catherine, allez-vous faire un petit café ? J'appelle dans deux minutes, si vous le voulez bien. Pour vous, on va tout faire pour vous aider. Nous avons le temps, nous avons 35 minutes pour les joindre. Je rappelle que nous n'avons aucune nouvelle de Mercedes pour l'instant. Aucune nouvelle de Comme J'aime. Donc pour Mercedes, si nous n'avons pas de nouvelles, lundi ou mardi, nous organiserons un duplex, nous irons là-bas, parce qu'il nous faut absolument une réponse. Et la politique de l'autruche dans ces cas-là, ça ne sert strictement à rien. Alors peut-être que par un hasard extraordinaire, tout le monde est en réunion aujourd'hui, la réunion au siège ou à Montrouge, mais mardi on organisera un duplex pour aller parler à quelqu'un, ou un double, un à Montrouge, un au siège. Ça c'est deux. On lance quand même un appel au président Mark Langenbrink. Mark Langenbrink, avec un nom comme ça, on dirige de main de maître quand on s'appelle Langenbrink. On ne tolère pas qu'un client achète une voiture neuve dans le réseau et qu'elle tombe 6 fois en panne en 6 mois et qu'on lui dise après c'est moins 35%. Donc monsieur Langenbrink, je compte sur vous. Et puis du côté de chez Comme J'aime, alors là ils sont au régime de la réponse, c'est-à-dire qu'ils ont lancé un nouveau régime, c'est on ne répond pas parce que ça fait grossir. Donc quand vous répondez, vous prenez du poids. Donc arrêtez de répondre aux standards. Et je pense que les standardistes du coup doivent être super sveltes chez Comme J'aime, parce qu'on n'arrête pas d'appeler, on n'arrive pas à voir quelqu'un. Dernier point pour Disney, je le rappelle, 3210, touche numéro 2, puis ensuite encore numéro 2, ou alors SMS RTL au 74 900, une nuit, l'hôtel, 4 personnes, les deux parcs gratuits, et vous serez nourris en plus. Tes valises ? Mais on part qu'un week-end ! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping ! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles ! J'ai pas pu me retenir ! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçu du voyage. Voir conditions sur le site. James Bond 007, l'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition. Actuellement à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Avec TF1 et RTL. Carrefour. Val, je reviens chez Carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Bah, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah bah viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons, c'est parti Catherine, nous appelons le numéro qu'elle nous a donné. Catherine a téléphoné à 10h sur l'antenne d'RTL. Elle est sur l'antenne à 10h28. Elle a téléphoné à 10h au standard et nous allons essayer de voir pourquoi l'assurance, au bout de 2 ans, continue à lui demander des tas et des tas de papiers pour l'indemnisation. Et en tout cas, ce que doit toucher la famille pour le décès de son fils. C'est parti, j'espère avoir quelqu'un. Cette musique me dit quelque chose. Dans le cadre de notre démarche de qualité de service, cet appel peut être enregistré. Bien. Vous pouvez refuser cet enregistrement en le signalant à votre opérateur. Non, nous n'allons pas le refuser. Pourquoi le refuser ? Bonjour. Bonjour, vous êtes bien à Assurpost. Nos chargés d'accueil sont déjà en communication. C'est la poste alors, hein. On est bien d'accord Catherine ? Vous pouvez, oui, c'est la poste. Ça c'est une bonne nouvelle, on a de bons contacts là-bas. Et votre numéro de téléphone, ainsi que l'heure à laquelle nous pourrons vous rappeler, sont 24 heures donc, ouvrées. C'est merci plein, ils nous disent de laisser le numéro et l'heure à laquelle on veut être rappelé. Donc personne ne peut répondre. Vous pouvez raccrocher lorsque vous allez terminer. Oh là là, refaites-le. Et en plus ils disent sous 24 heures, non, mais c'est bon quoi. C'est franchement quand même... insupportable. C'est dommage que dans les publicités, mais quelques que soient les marques, hein, pas seulement celles-ci, ils ne disent pas « Contactez-nous et nous ne sommes pas là, vous ne pourrez pas nous avoir ». Parce que j'aimerais bien qu'on ait des pubs comme ça. On n'arrive jamais à voir personne. Alors c'est bien la peine de dire toujours une écoute, toujours un truc, vous rendez compte? Bah oui, bien sûr. Alors il va falloir, on attend encore un peu et puis on sortira notre carte maîtresse. Nous connaissons un supérieur qui pourrait peut-être nous aider. De toute façon, c'est mal de connaître, on s'accroche. Ah bah oui. Vous pouvez refuser cet enregistrement en le signalant à votre opérateur. Je veux vérifier une deuxième fois que bonjour, tout le monde... Bonjour, vous êtes bien à Assurpost. Nos chargés d'accueil sont déjà en communication. Ah bonjour. Vous souhaitez, vous ah, alors attention, une alerte sur quel dossier Bernard, s'il vous plaît, prenez le micro. Bernard. C'est le dossier de Cédric pour sa maman et les fameux repas Comme J'aime, j'ai génial, enfin quelqu'un. Génial, passez-le moi. Allô? Oui. Comme J'aime vous parler, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, je ne vous dérange pas? Non. Bon, un peu quand même, si j'ai l'impression. Je vous appelle car nous avons un auditeur qui appelle pour sa belle-maman. Il y a un petit souci, elle avait annulé une commande, on lui demande de la payer quand même malgré un mail, etc. Est-ce que si l'on alors, vous donne des références, vous pouvez m'aider? Oui, mais je vous demande un instant, je demande à ce que mon responsable prenne l'appel. D'accord, quel est votre prénom? Maëlle. Maëlle, je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie d'être aussi gentil. Merci. gentil. J'attends le responsable, hein, avec impatience. Je vous mets en attente. Merci. Bon, eh bien voyez, on était au régime sec et là, ça y est, on reprend des couleurs. Régime gras. Au régime gras, comme vous dites. Bon, pour Mercedes, toujours rien. Comme j'aime, un interlocuteur en attente. Sarah, vous avez du nouveau ? Oui, je me permets de vous interrompre parce qu'à l'instant, nos sondages viennent m'amener une fiche que je vais montrer à notre rédacteur en chef Alain Hazard. Farid, un auditeur, aurait eu le même problème pour Mercedes que notre auditeur Eric de Tête. Et là, il nous a donné des contacts directs à essayer. Donc, je vais les tenter super. Tout de suite. Merci les auditeurs. Ben, voyez, on est une grande famille et ça nous aide bien quand vous nous donnez un petit coup de main comme ça pour trouver des interlocuteurs. Surtout qu'il s'agirait d'une panne peut-être récurrente. Voilà, sur un modèle comme ça peut arriver, quand on rappelle les modèles à l'usine, eh bien, peut-être que cette... Vous avez... Il est en ligne, notre auditeur ? Je ne sais pas s'il est là. Vous avez entendu parler de ce problème sur d'autres voitures ? Non, pas du tout, hein. Pour l'instant, ils n'ont aucune panne récurrente comme ça. Bon, hein. Bah écoutez, là, il y a quelqu'un qui nous dit « J'ai eu la même chose, je vais vous donner des numéros ». On continue, on se bat, on ne lâche rien. L'assurance de la Poste, on va lancer le go dans quelques instants pour essayer d'avoir un supérieur. 3 cas ont été lancés et le 4e va arriver dans une seconde, c'est Myriam. Myriam qui est passée à plusieurs reprises, c'est ce grand dossier de solidarité. Alors, vous étiez aux assises, vous, Maître Novakovic. Myriam nous avait appelé pour nous dire qu'elle était avec son fils de 7 ans et qu'elle vivait dans une maison complètement insalubre. C'était un peu comme l'émission Tous Ensemble. C'est-à-dire qu'elle a donné de l'argent à un artisan, il est parti avec, il n'a rien fait, elle dormait mais vraiment dans le garage. Avec son fils, ça nous a fait une peine, mais vous ne pouvez pas savoir. Sarah a organisé une petite solidarité. Quand j'ai une petite, il y a tous les artisans du côté de Saint-Etienne qui sont venus et on va faire un point sur le chantier parce que c'est, je crois, formidable. Un des plus beaux cas de l'année. D'ailleurs, le simple fait d'en parler, de savoir que tous ces gens-là sont venus bénévolement, ça me donne envie. Et Germain aussi, ça va lui donner envie de danser car c'est son titre préféré. Parce que voilà, c'est la fête. Quand vous vous déplacez pour nous aider, pour vous aider les uns les autres, je trouve ça formidable. C'est merveilleux. Et on a envie de chanter ça et de danser. C'est une journée RTL. Une journée de solidarité. Et un beau week-end qui vous attend. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Just imagine. Justin Timberlake, 10h35. Où en sommes-nous, s'il vous plaît, sur les différents cas? Car j'ai vu que ça téléphonait un petit peu de tous les côtés. Germain, avez-vous du nouveau sur un cas, s'il vous plaît, lequel? Oui, nous sommes en train d'appeler le numéro que l'un de nos auditeurs nous a donné pour Mercedes. Tout à fait. Ça sonne pour le moment. Alors, on y va, c'est parti. Vous me mettez à l'antenne le numéro. Donc, nous revenons sur le cas numéro 1. Pour l'instant, celui de Mercedes. Est-ce que quelqu'un répond? Alors, on essaie de trouver ça. Ça vient tout juste de raccrocher, on rappelle tout de suite. Donc, ça a appelé et ça a raccroché. Et c'est reparti. Bernard aussi, lui, est en train de négocier. Il va nous dire avec qui dans une seconde. Deuxième tentative. Mercedes-Benz vous souhaite la bienvenue. Bonjour, bienvenue. Afin de maintenir un service toujours plus performant, nous informons que votre appel est susceptible d'être enregistré pour des raisons de qualité, de formation, de désaccord ou de réclamation. Oui. Si vous ne souhaitez pas que votre appel soit enregistré, je souhaite qu'on me parle. Appuyer sur la touche 1 de votre téléphone. Quelqu'un chez Mercedes. On peut avoir quelqu'un. Sinon, je fais un Brexit. Je vous le dis tout de suite. Pour la relation si j'ai personne de Mercedes aujourd'hui, je fais mon petit Brexit. Autrement dit, je m'organise moi-même un référendum où je serai le seul à voter. Et si je suis majoritaire, Maître Fénonneau, je quitte. Nous efforçons d'offrir un service de qualité à tous nos clients. C'est pourquoi il se peut que vous soyez confronté à une période d'attente plus ou moins longue. Merci de rester en ligne, nous avons donné suite à votre appel. Une alerte, une nouvelle. Donc Marie, vous récupérez donc. Sarah, vous récupérez l'appel Mercedes. Bernard, vous me faites une alerte sur quel dossier, s'il vous plaît? Sur le cas de Cédric, vous savez, ce fameux « comme j'aime ». Oui. Ben, ils sont en ligne, Julien, et ils ont des informations très intéressantes à vous communiquer. Ils sont sur AV1. Allô, comme j'aime? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, comme j'aime. C'est Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'on a du nouveau pour mon auditeur, s'il vous plaît, sa belle maman? Oui, tout à fait. Il y a du nouveau, en fait, par rapport à son dossier, monsieur Courbet. Alors, pour vous dire ce qui est passé, on a fait une contestation auprès du transporteur de la TNT il y a ça quelques mois, par rapport à son colis. Oui. Et aujourd'hui, donc depuis hier, le dossier est réglé et donc sans souci, donc madame Drapillier sera remboursée dès aujourd'hui. Oh bah écoutez, c'est le hasard, c'est super, bravo comme j'aime, merci beaucoup monsieur. Alors, merci tant que beaucoup. Je vous tiens, je ne sais pas si vous vous y connaissez, vous vous occupez que de la logistique en régime, Maître Fellono et Maître Novakovic sont à côté de moi et se disent que pour l'été, non, elles aimeraient n'importe quoi. Affiner un peu leur silhouette. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Attendez, écoutons déjà ce que veut dire ce monsieur. Vous pouvez leur conseiller un régime, monsieur? Par rapport à quoi? Pour qui? Pour mes deux avocates. Ah, pour votre avocate? Moi, je n'hésite pas à venir, c'est comme j'aime, pour faire un régime. Il n'y a pas de souci, ils seront pris en main par nos diététiciennes diplômées. Et sans problème, elles pourront du coup perdre du poids grâce à notre régime. Ah, bah c'est génial. Vous voyez, vous serez. C'est bien la première fois. Mais c'est pour Julien Courbet, la première fois, vous serez pris en main, Maître Novakovic. Absolument pas. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. Est-ce que notre auditeur. Julien Courbet, je vais vous faire. Est-ce que notre auditeur est là? Cédric? Oui, oui. Là, eh ben voilà, c'est réglé. Ça s'est réglé, figurez-vous. Sans nous, avant qu'on appelle. Hier. Hein ? Elle est pas belle, la vie ? Ouais, c'est sûr. Magnifique. Allez, mon Cédric, allez annoncer cette bonne nouvelle à votre belle maman. Elle vous écoute. Vous allez me la passer, surtout. Non, elle vous écoute. Moi, je suis au travail. Ah, elle écoute à la maison. Elle écoute à la télé. Ben, si elle écoute à la télé, elle va avoir du mal. On a la radio à la télé. Vous avez raison. Comment s'appelle-t-elle ? Annick, eh bien on l'embrasse très fort, Annick. Voilà, Annick, vous serez remboursé grâce à Cédric, Annick. Bonne journée à vous deux. En ce qui concerne le gros dossier maintenant, qui est le plus scandaleux pour nous, si ce que nous dit Catherine est vrai, puisqu'elle a appelé à 10h, nous n'avons pas pu vérifier, avec la Banque Postale, vous allez rappeler s'il vous plaît, Sarah, une nouvelle fois, la Banque Postale, dans une seconde, pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse avoir l'indemnisation, puisque son fils est décédé, que depuis 2 ans, on lui demande toujours un petit papier supplémentaire. L'appel est relancé une nouvelle fois. Et puis je reviendrai encore sur le chantier Solidarité après ceci. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Une glacière de 29 litres, rechargeable sur l'allume-cigare de la voiture à moins de 30 euros chez Leclerc. Sur la route des vacances, ça devrait être obligatoire. Du 15 au 25 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la glacière électrique de 29 litres à 29,90 €. Inutile de résister, une glacière comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. RTL présente The Illusionist, la nouvelle génération de magiciens. Pour la première fois en France, retrouvez les 7 plus grands magiciens du monde. The Illusionist, à Paris, au Folies Bergère, à partir du 17 novembre. Soyez témoins de l'impossible. Location ouverte, un événement TF1, Le Parisien et RTL. Voici François de Nantes qui vient d'apprendre qu'à chaque match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire quintet plus des Bleus de 10 millions d'euros. Une aubaine pour ceux qui miseront sur les bons chevaux. 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. C'est vrai qu'il a l'air content, François. Vous aussi, jouez au Paris Hippique et tentez de gagner la super tirelire des Bleus de 10 millions d'euros du quintet plus. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Et merci de nous être fidèles. Un séjour Disney pour vous récompenser d'avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée d'RTL hors info et la plus écoutée de France. Donc 3210 souche numéro 2 puis numéro 2 une nouvelle fois pour donner la bonne réponse ou SMS RTL au 74 900. Sur le cas de Catherine, Catherine qui se bat pour toucher, pour pouvoir faire son deuil et passer à autre chose, depuis 2 ans, ça fait traîner. Vous avez pu avoir un responsable, Bernard Sabat, nous faisons les mêmes numéros que vous, mais malheureusement, quand on appelle Previalis, le gestionnaire de sinistre de la Banque Postale, ça ne répond pas, puisqu'on ne cesse de nous dire, on va refaire un essai en direct là, toutes les lignes sont occupées, rappelez plus tard. Oui, bon, donc là, il a pris le numéro de contrat, ce monsieur, un des responsables, il a pris le nom, évidemment, Nicolas Raffignon, il fait ses recherches, il m'a promis qu'en tout début de semaine, Julien, en l'occurrence mardi, on devrait avoir du nouveau. Alors Catherine, on va continuer. Je pense que nous aurons du nouveau mardi. Je voudrais qu'on refasse une nouvelle fois, et donc pour la 3e fois, puisque là, il s'est passé une bonne vingtaine de minutes entre la 1ère et la 3e, voir si un conseiller s'est libéré. 3e appel donc depuis 10 heures. Nous allons donner suite à votre appel. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. On avait eu ça déjà tout à l'heure. Malheureusement, une fausse joie. C'est gay en plus comme musique. Ah bah si, c'est là. J'adorais cette pub, je crois que c'est eux. Dans le cadre de notre démarche de qualité de service, cet appel peut être enregistré. Vous pouvez refuser cet enregistrement en le signalant à votre opérateur. Non, je signale rien. Je ne suis pas du genre à signaler. Si. Ah ben là, c'est mieux. Bonjour, vous êtes bien à Assurpost. Nos chargés d'accueil sont déjà en communication. Vous souhaitez Je vous assure que j'ai cru que quelqu'un allait nous répondre. Quel suspense. Mais c'est fou, ça. Vous voyez, j'aimerais un jour qu'on me donne l'autorisation de continuer l'émission jusqu'à 16h pour voir à quel moment ça répond. C'est une catastrophe. Mercedes, toujours rien, personne ne nous a rappelé, donc on part sur un duplex mardi matin pour l'instant. Mais oui, Julien, malheureusement, ni le siège, ni évidemment le service après-vente, qui devait nous rappeler avant 11h, ne l'a fait. Je rappelle à Monsieur Marc Langenbrink. Monsieur Marc Langenbrink, est-ce que quelqu'un chez vous peut-il, s'il vous plaît, nous répondre? Ou alors le directeur général, Monsieur Jean-Marc Dis, il faut aider ce taxi. Oui, Bernard. Et Monsieur Périnet, le patron de Montrouge, il faudrait qu'il lui aussi il se bouge avec son équipe. Bah, il est le patron de la concession, à lui de réagir. C'est une grosse réagir. Concession. Non, mais mardi, on va y aller. Il y aura bien quelqu'un. On verra bien s'il y a personne ou pas. On va envoyer quelqu'un au siège, on va envoyer quelqu'un là-bas. On va faire une opération spéciale mardi matin sur l'antenne d'RTL. Le chantier de solidarité de Myriam, c'est cette maman courage qui élève son fils, qui avait fait des travaux de rénovation. Elle était passée par le mari d'une amie qui lui avait dit « Prends mon mari, tu vas voir, c'est un bon. » Ben, c'est un bon pour prendre les 18 000 euros, plus une rallonge de 1 200 au passage et que des malfaçons, maison inhabitable. Avec des photos que l'on a mises sur Facebook, la page, ça peut vous arriver, vous voyez qu'elle dort, on a l'impression qu'elle dort dans un garage. Je rappelle toujours que monsieur l'artisan Michael Luesma est aux abonnés absents. Peut-être essayer de l'appeler pour le fun, allez-y. Le numéro de Michael Luesma, puisque c'est quand même lui qui a pris l'argent et lui qui a mis cette dame dans cette situation. Mais du côté de Saint-Étienne, on a un cœur, un vrai. Et on se dit que quand quelqu'un de la région de Saint-Étienne a un problème, eh bien tout le monde se mobilise. On a eu une mobilisation extraordinaire. Je vais vous en dire plus. Enfin, Sarah va vous en dire plus puisqu'elle est en charge de ce dossier. C'est elle qui est allée sur place pour accueillir tous les artisans. Bon, on se fait aucune illusion. J'essaie quand même parce que je suis du genre têtu d'avoir monsieur Michael Luesma qui ne répondra pas de toute façon. Alors Sarah, vous êtes allée lundi, je crois, là-bas sur place. On a eu une belle photo. Allô. Merci à la presse aussi qui nous a soutenus. Allô? Non, il n'y a personne. Veuillez non, laisser votre message après le bip. On a eu la presse aussi qui est venue. Je crois que c'est nos amis du Progrès qui sont venus prendre une photo de tous les artisans. C'est bien ça, Julien. Merci à eux. Alors, où en est-on? Qu'est-ce qui s'est passé depuis lundi? Alors, depuis lundi, la première étape, donc, effectivement, a été achevée, c'est-à-dire les câbles, l'électricité. Enfin, je ne m'y connais pas vraiment en travaux. Les artisans vous le diront mieux que moi, puisqu'on a effectivement Max de la société Cyclovac Loire qui va nous dire ça tout à l'heure. Et effectivement, la première étape, donc, a été réalisée. Et maintenant, place à la deuxième étape. Alors Myriam est en ligne. Myriam, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Myriam, elle m'a fait, avec son fils, elle m'a fait cadeau une petite boîte de chocolat. Il fallait pas, Myriam. Hein, c'est... Non, c'est mon fils, il est étonné. Eh ben, Par contre, on va entendre tous les jours un petit chocolat avec un commentaire de Saint-Étienne. Ah oui, il y a des commentaires, c'est vrai, dessus. Oui, oui, c'est le vrai. Le gaga stéphanois. Bon, le gaga stéphanois. Myriam, où est les maisons aujourd'hui? Eh ben, je suis pleine, quoi. J'ai. Vous êtes pleine, non, Myriam. Il faut pas vous saouler pour ça, Myriam. Vous êtes mère de famille. Je vous demande de rester sobre malgré tout. Eh ben, écoutez, ça, comme l'a dit Sarah, l'électricité, tous les câbles sont tirés. Le plombier de la société Abaquet, eh ben, a fini en grande partie toute la plomberie installée de Tumulus. Donc là, il y a les plaquistes qui sont en train, ben, de monter les cloisons et de railler les plafonds isolés. Voilà, ça avance bien. Il y a le maçon cet après-midi. C'est génial. Voilà, hein. C'est génial. J'ai encore ému. Ah, mais il faut, mais moi, c'est pour ça que j'adorais cette émission Tous Ensemble, parce que on montrait vraiment ce qu'il y a de, parce que malheureusement, dans cette émission de radio, on montre pas ce qu'il y a de meilleur chez l'homme, puisqu'il y a des gens qui arnaquent d'autres personnes. Mais dans celle-là, il n'y avait que des bons sentiments, parce qu'il y a quand même encore de l'espoir, des gens qui font des choses bien. Et c'est en ça que Tous Ensemble était juste formidable. Nous avons Max de la société Cyclovac. Je prends des artisans de temps en temps. C'est eux les héros, hein, c'est les vrais héros. Max qui est sur sa mobilette et visiblement il a fait quelques réglages qui lui donnent satisfaction puisqu'il vient de passer à 260 avec un 103 SP. Max, bonjour. Bonjour Julien. Max, vous faites quoi dans la vie? Je suis électricien, j'essaye enfin. Alors vous êtes sur place, merci Max, merci du fond du cœur. Comment s'appelle votre société? C'est Cyclovac Loire. Alors Cyclovac c'est ma concession, mais je suis Arelec, l'entreprise Arelec est concessionnaire Cyclovac. Arelec, Cyclovac. Où en êtes-vous, vous Max, dans le chantier? Eh ben, on a pas mal avancé, donc tous les réseaux de gaines sont tirés pour que le plaquiste puisse avancer. Et donc maintenant, dès que le plaquage aura lieu ce week-end, on avancera, on filera, on fera le tableau, etc. C'est génial, bravo à vous, puisque Max, pendant ce temps-là, ne fait pas tourner sa boîte, il faut quand même le dire. Il a pris une journée pour venir travailler, voire deux, voire trois, voire quatre, simplement et sans retour. Voilà, il le fait parce qu'il s'est dit peut-être qu'un jour, ce qu'on devrait tous se dire, hein, c'est dans la chanson des Restos du Cœur, quand on dit ça va peut-être m'arriver un jour, eh bien c'est le même cas là. Bravo Max, bravo à vous et bravo à Cyclovac Loire, Max. Merci. Bonne journée. Bon, mais Myriam, on continue et on se fait des points régulier. Oui, Sarah. Alors, je voudrais rajouter un détail. Lorsque j'étais sur place à Saint-Étienne, je me suis rendue directement chez la famille Luesma, puisqu'ils ne me répondaient pas au téléphone. C'est l'artisan qui a planté. C'est tout à fait ça. J'ai rencontré sa femme, qui m'a expliqué effectivement qu'elle ne voulait plus entendre parler ni de nous, ni de Myriam, c'est son droit, puisque la justice, effectivement, allait jouer son rôle, qu'elle assumerait totalement la condamnation. Il n'y a aucun souci. Je tiens simplement à signaler que M. Michael Luesma a remonté une société qui s'appelle Star Office, Off Service, pardon, et c'est du montage de télévision. D'accord, donc il fait maintenant du montage de télévision après avoir fait de la construction de maison. C'est tout à fait son droit, monsieur Luesma. Et nous allons, nous, continuer à aider Myriam. Bravo aux artisans, ce sont les champions du monde. Bravo, c'est pour vous les artisans de Saint-Étienne. Ou d'ailleurs, la France va rencontrer l'Irlande, me semble-t-il. C'est pas à Saint-Etienne qu'aura lieu le match? Non, c'est à Lyon. À Lyon. Ah bon, j'étais persuadé. À Lyon. Alors, si je confonds Lyon et Saint-Etienne, je ne vais pas sortir vivant du quartier, moi. Nous allons, si vous le voulez bien, j'ai mon téléphone portable qui sonne. Voilà, vous l'entendez. Je prends la personne pour lui dire que j'aurais dû éteindre. Oui, Julien, c'est Julien Courbet qui te parle. Nous sommes en direct sur RTL et je ne peux pas te répondre. J'ai oublié de couper. Donc, mon Julien, je t'appelle dès que j'ai fini. À tout à l'heure, je t'embrasse. Je ne sais pas ce qu'il m'a répondu, mais au moins il a attendu. C'est mon patron, Julien Lalande, 2D8. À tout de suite sur RTL. Salut, c'est Vincent. Ça vous dirait de partir à Miami pour un séjour de rêve? En ce moment, à l'occasion du QVC Tour, tentez votre chance en participant au grand jeu de l'été QVC. Rendez-vous avec QVC à Paris, Nantes, Toulouse, Marseille et Lyon pour déposer votre bulletin dans l'urne RTL QVC. Informations sur QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. RTL, première radio de France. Vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah! Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande avec toute leur diversité sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Alors, la table, c'est bon, la déco, nickel, le gratin, ça cuit, eh ben parfait, il manque plus que les invités. Ah ouais, c'est tes amis qui mangent debout qui viennent. Gna, mes amis qui mangent debout, non mais j'ai que 4 chaises, alors... Eh ben t'as peut-être pas assez de chaises, mais t'as pas mal de voisins, non? Je vois pas le rapport, là. Allovoisin.com. Location de matériel pour la maison, le bricolage ou le jardinage. Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com, c'est très utile un voisin. Carrefour Market fête ses clients. Ce week-end, c'est mon tour d'organiser une fête. J'ai invité des copains pour le match des Bleus. Ça tombe bien, Michel. Market fête ses clients avec des promos imbattables. Jusqu'à demain, la basse-côte 2 étoiles Origine France est à 6,70€ le kilo. Je vais faire des grillades avec une bonne sauce au bleu. Vous allez marquer des points, Michel. Ben, j'espère que je ne serai pas la seule à marquer. Hein. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Viande bovine, basse-côte, 2 étoiles à griller, le plateau de 4 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. J'aimerais qu'on fasse un point info, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Il s'est passé beaucoup de choses et je vous promets que mardi, lundi, vous allez avoir du nouveau. Ne vous inquiétez pas. Le principe de l'émission, c'est qu'on ne lâche rien. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Tout a commencé avec Eric. Eric est chauffeur de taxi. Il a acheté une voiture très chère et il en a gros sur la patate. J'ai acheté un véhicule de plus de 82 000 €. La voiture a été réparée 6 fois pour la même panne. Elle est actuellement immobilisée sur une plateforme. Et on me propose de me rembourser 55 000 €, soit 28 900 € de moins que le prix d'achat. Personne n'a voulu nous répondre à Mercedes Montrouge qui a vendu. Personne au siège Montigny-le-Bretonneux nous a dit il n'y a personne aujourd'hui. Relation clientèle, on ne sait pas, Bernard. À l'instant, Julien, sur mon portable, on vient de me faire un numéro de téléphone. Cédrine ou Sandrine Berthoud vient de m'appeler, j'ai pas bien entendu. Si vous voulez, on la rappelle, c'est Mercedes-Benz. Faites-le hors antenne, vous la prenez pour être sûr de l'avoir. Pendant ce temps-là, je continue, il y aura peut-être donc du nouveau pour Cédric, sinon duplex mardi. Nous avons traité le cas de. Non, pardon, Cédric, c'est celui qu'on va faire maintenant, de Cédric qui a appelé pour sa belle-maman handicapée. Ma belle-mère a été débitée sur ses comptes de 500 € par un programme minceur. Cela fait des mois que l'on attend le remboursement pour des commandes qui n'ont jamais été livrées et qui en plus ont été annulées. Là, tout est bien qui finit bien puisqu'on les a appelés et finalement, au bout de 20 minutes, ils nous ont dit, Maître Novakovic, ça a été réglé comme ce matin. Par hasard, ouais, écoutez, réglé le, la oh, veille. Oh, ça, c'est des cas comme j'aime. Ça alors. Et puis, il y a ce cas qui nous révolte, celui de Catherine. Catherine a perdu son fils, donc il y a indemnisation, il a eu un accident, il est tombé d'un toit. Et bien, depuis le 10 octobre 2014, on lui demande toujours un petit papier. Et elle en a marre, elle doit appeler le procureur, elle doit appeler tout ça. Et on ne comprend pas pourquoi ça traîne. Nous avons appelé 3 fois le standard de Prévialis. À chaque fois, toutes nos lignes sont occupées. Depuis 10 heures, impossible de les avoir. Donc ça, c'est un truc aussi sur lequel il faudrait jeter un petit coup d'œil là-bas chez vous, parce que si on prend des assurances chez vous et qu'on ne peut pas vous avoir au téléphone, ça ne vaut pas le coup d'en prendre. Et deux, nous avons eu un responsable qui, lui, nous a dit on va s'en occuper, mais on en a un peu ras-le-bol parce que nos sous-traitants mettent beaucoup de temps à répondre. Exactement. Lui. Et il nous demande d'attendre jusqu'à mardi, mais je pense qu'il va donner ce qu'on appelle un coup de pied dans la fourmilière. Donc Catherine, gros gros bisous. Mardi, je vous donne du nouveau. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous lâcher. Bien au contraire. Sur le chantier de solidarité, tout va bien. Les artisans du côté de Saint-Étienne s'éclatent. C'est un super chantier. Sarah fait du super boulot. Et on va avoir une maman et son fils qui vont avoir une super maison. C'est alors, formidable. À Bernard, que se passe-t-il? Alerte sur Mercedes. Voilà, exactement. Vous avez Madame Berthoud, qui est la responsable de communication, qui est en ligne et qui veut vous parler. Madame Berthoud, bonjour. Ah, je suis ravi de vous parler. Alors, Madame Berthoud, je suis en fin d'émission. Madame Berthoud, on a appelé tout le monde et malheureusement, il n'y a personne partout. Donc, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Vous connaissez le cas ou pas, Madame Berthoud? Oui, tout à fait. Bon, voilà. Désolée, étant en déplacement, c'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu traîné. Mais voilà, donc, j'ai eu le temps de prendre connaissance du cas. Il semblerait donc que monsieur ait un problème avec. Enfin, nous avait signalé un problème avec sa boîte de vitesse automatique de son véhicule. Il se trouve que ni le système électronique du véhicule qui est censé, donc normalement, répertorier tous les incidents qui peuvent intervenir sur la voiture, ni les ingénieurs techniques qui se sont déplacés, plusieurs d'ailleurs d'entre eux, pour faire l'essai de la voiture, n'ont détecté ce problème, n'ont réussi à identifier que véritablement il y avait un problème sur la voiture. Je vous coupe une seconde. Voilà, je comprends maintenant parce qu'on ne comprenait pas où était le problème. Vous nous dites, quand on a la voiture, ça n'arrive jamais, c'est ça? Exactement, d'accord. C'est ça. Et de la même façon, si vous voulez, vous avez un engin électronique à l'intérieur de la voiture qui enregistre tous les incidents quand il y a eu un problème moteur, etc. C'est un espèce de mouchard dans le véhicule qui va pouvoir vous identifier le fait qu'il y a eu un problème technique sur la voiture. Or, aujourd'hui, ce petit enregistreur n'indique pas de problème technique sur le véhicule. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, nous étions bien en peine de pouvoir proposer une réparation à monsieur dans la mesure où nous n'avons pas constaté de défaut sur la voiture. Donc, comme monsieur souhaitait se séparer de sa voiture, il a demandé donc à une proposition commerciale qui lui a été faite. Et cette proposition commerciale, aujourd'hui, ne lui convient pas. Voilà où nous en sommes. Oui, c'est ça, mais tout à fait, c'est bien ça. Mais alors, Maître Fellono... Non, nous, on avait compris qu'il y avait eu 6 réparations. Alors, on va demander à notre auditeur. Il paraît qu'il n'y a pas eu de réparation, puis il n'y a pas de panne. Éric ? Oui. Bonjour, monsieur. Il y a eu des pannes. Bonjour. Si, il y a eu des pannes, étant donné qu'on a changé une fois le manomètre de pression d'air, une fois le papillon des gaz, une fois, ils ont reflashé la boîte de vitesse. Une autre fois, il y avait un fil qui était trop court, qu'ils l'ont sorti de son logement, qu'il pour pouvoir le connecter correctement, le faire passer ailleurs. Déjà, c'est pas bon, normal. Bon, madame, comme je suis en fin d'émission, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sérieux bien là-dessus sûr, bien parce qu'apparemment, ayez le détail des factures, vous allez voir, c'est exactement vide, Sylvie. Si vous me permettez, madame Maître Novakovic, juste pour vous dire que déjà, il y a une mise en demeure que vous avez adressée le 11 juin qui récapitule toutes les pannes qu'il a eues, à savoir 6 pannes. D'accord. Deuxièmement, est-ce que vous croyez les taxis ne peuvent plus exercer aujourd'hui, qui s'amuseraient à vous rendre le véhicule s'il n'était pas en panne? Donc, trouvez cette panne et remplacez madame, le véhicule. Je compte sur vous, s'il vous plaît, pour essayer de... Il faut que maintenant qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur, d'accord? Bien sûr, on fera le nécessaire et on vous tient au courant. On s'appelle mardi. Merci, très madame. Bien, merci merci de nous avoir appelé. Cette dame était merci. À l'étranger. Elle a tout fait pour essayer d'avancer. Il faut quand même lui reconnaître ce mérite. On lui certes. A donné le dossier. Mais elle va maintenant jeter un coup d'œil. Je vous parle mardi, Eric. Il faut patienter jusqu'à mardi, d'accord? D'accord, ok. Merci beaucoup. Allez, c'est maintenant, moi, merci, nous allons voir qui a gagné le cocotier. Car... Vous allez partir à Disney, mesdames et messieurs. Vous allez partir à 4. Vous dormirez une nuit là-bas. Vous serez nourris. Et il y aura les 2 parcs gratuits. Donc 48 allô heures non-stop. Allô, bonjour, c'est Anita. C'est Anita ? Oui, je suis là. Oui, bonjour Anita. Vous savez, bonjour. Vous savez qui je suis, Anita ? Oui, je sais qui vous êtes. Vous l'avez toujours su, Anita. Vous êtes le Père Noël. Oh, le Père Noël, c'est un bien grand mot, Anita. Ah bah si, aujourd'hui, vous êtes mon Père Noël. Oui, bon, aujourd'hui, pourquoi pas demain également. On va en parler en antenne, Anita. Absolument, mais Anita, d'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je travaille. Oui, mais vous faites quoi dans la vie? Secrétaire. Bien, Anita, vous êtes dans oui. les Hauts-de-Seine, vous avez une famille? Oui, j'ai une famille. Alors, racontez-moi un petit peu, des enfants? Alors, j'ai une petite fille qui s'appelle Sandra. Ouais, elle a quel âge? Voilà. Alors, Sandra a 7 ans. Bien. Et qui d'autre ? Et je vais emmener mon petit neveu, Alan. Ah, vous avez un enfant, un neveu et un mari ? Un neveu que je vais appeler, voilà, qui s'appelle Alan, et un mari qui s'appelle Roger. Eh bien, c'est mort formidable. Parce que vous partez à 4, écoutez bien, ben Disney, voilà, en plus, elle est, oh, ben, vous avez de la chance parce que le tirage au sort vous a favorisé. Vous êtes dans les Hauts-de-Seine, donc le trajet est court et vous allez avoir une nuit pour les 4, les repas et les 2 parcs qui sont offerts par Disney. Oh, c'est super. C'est un très, merci, très, très, très beau cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Disney de bien s'occuper comme ça de nos auditeurs. Vous allez voir, vous allez vivre la vraie magie ah, Disney. Ah, mais ils vont plus en vouloir une fois qu'on sera passé par ah, là. Ah, ben ça, c'est clair, c'est ils clair. Ils vont vous dire, c'est fini. On veut plus. On veut plus de vos auditeurs. Je vous fais un énorme bisou. Moi aussi, je vous fais un bisou. À bientôt, Anita. À très bientôt. Merci beaucoup. Et bon week-end, tout le monde. Au revoir. Bon et week-end, au revoir. Encore une fois, je rappelle que c'était le cadeau de Tonton Georges. Oui, Tonton Georges aura offert toute cette semaine, bien sûr, des voyages. Allez, j'ai combien de temps, très rapidement, Bernard ? Oui, une porte ouverte hier. Vous vous rappelez, Béatrice, avec ses bijoux fantasy Des réunions à domicile et on lui a coupé sa ligne du jour au lendemain. Elle ne savait pas pourquoi. Eh bien, écoutez, elle est en ligne, là, maintenant. La ligne fonctionne. Ah, bah, Free est bienvenue. On la félicite. Elle est en AV1. Bonjour, Béatrice. Bonjour, c'est bien. Alors là, je vous appelle sur la ligne qui a été écrasée, qui marche depuis hier. Voilà, c'est merveilleux. Elle fonctionne que depuis ce matin. Eh ben, c'est formidable, Béatrice. Ce matin et bon. Tout fonctionne. C'est Béatrice, parfait. Je suis malheureusement très en retard. Je voulais juste vérifier. Gros bisous et bravo à Free d'avoir tout compris. D'avoir tout compris. Merci. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez ! Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Rendez-vous le 27 juillet à Plan de la Tour, dans le golfe de Saint-Tropez, pour le One Man Show en plein air. 27 juillet, venez vous éclater avec moi. Merci, Maître Novakovic. Merci, Julien. Quel bonheur de vous retrouver. Merci, Maître Felloneau. Merci vous. Bernard et bon toutes week-end. Les équipes d'Alain Hazard. À lundi matin, 9h30. Bon week-end à tous. RTL, il est 11h. L'information sur RTL, Céline Landreau. Un Premier ministre sur le départ et des îles qui s'éloignent un peu plus des côtes européennes. Le Royaume-Uni a voté pour le Brexit à près de 52%. David Cameron, le chef du gouvernement qui faisait campagne pour rester dans l'Union, a annoncé ce matin qu'il démissionnerait à l'automne. Les bourses européennes s'affolent. Moins 7% à Paris, forte baisse également à Londres et inquiétude sur les marchés, mais aussi pour les Britanniques qui vivent en France, à l'image de Claire. Elle tient des chambres d'hôtes dans le village de Saint-Antonin Noble-Val, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Ses deux filles ont grandi en France et elle craint désormais cette sortie de l'Union qui se profile. Nous sommes très tristes parce que nous aimons beaucoup vivre ici et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant avec les enfants, avec l'école et tout ça. Et pour Saint-Antonin, c'est très très important parce que pour le restaurant, nous avons une entreprise de gîte, tout ça, c'est... C'est vraiment difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe prochain. Ça vous inquiète donc ? Oui, oui. Claire, britannique en France depuis de nombreuses années, elle était au micro RTL de Patrick Tégéro. Les Britanniques très divisés sur la question, si 51,9% d'entre eux ont voté en faveur du out. Le Royaume-Uni est scindé, l'Irlande du Nord et l'Écosse ont voté pour rester dans l'Europe, tout comme Londres, quand le reste de l'Angleterre et le Pays de Galles se sont prononcés en faveur du Brexit. Turbulence à venir dans toute l'Europe après les résultats de ce scrutin. Une réunion de crise interministérielle s'est tenue ce matin à l'Élysée à Paris avant un conseil des ministres extraordinaire. Cet après-midi à 16h, les eurosceptiques crient victoire après ce succès du out. En France, le Front National réclame un référendum identique à celui qui s'est tenu au Royaume-Uni. Ce Brexit, c'est aussi l'objet de la question du jour. Sur RTL, approuvez-vous le vote des Britanniques ? On attend vos réponses sur notre site rtl.fr et vos appels, bien sûr, au 3210 dès midi. L'actualité, c'est aussi l'heure des réquisitions dans le procès de Fabienne Cabou à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. 18 ans de prison ont été requis contre cette mère qui avait laissé sa fillette de 15 mois se noyer sur une plage de Berck. C'était en 2013. Et puis le Conseil constitutionnel déboute Jérôme Cahuzac. Les sages autorisent le cumul des poursuites pénales et des sanctions fiscales contre l'ancien ministre du Budget. La météo à présent pour cet après-midi avec une nouvelle dégradation orageuse en fin de journée du nord-est au massif central. Orage localement fort, un ciel nuageux également du sud-ouest aux frontières du nord avec là aussi quelques averses. Des orages en fin d'après-midi près des Pyrénées, plus de soleil. Ailleurs, les températures, 19 degrés à Brest, 23 à Lille, 24 à Paris, 32 degrés à Strasbourg et jusqu'à 38 en Provence. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Les courses à Vincennes et en nocturne ce soir, Bernard Glass vous propose de jouer le 2, le 13, le 7, le 15, le 3, le 6, l'As et le 18. 2, 13, 7, 15, 3, 6, As et 18. Sa dernière minute, c'est le 13, Amour orageux. Il est 11h et presque 4 minutes. Vous écoutez RTL et tout de suite, Stéphane Bern arrive, c'est à la bonne heure. Merci beaucoup Céline Landreau. On vous retrouve naturellement à midi pour faire un point sur l'actualité. Et nous plongeons dans la bonne heure, avec bonheur, il faut bien le dire aujourd'hui, Anne-Claire Coudray, notre invitée. Merci Anne-Claire d'être avec nous. Mais merci de m'avoir invitée. Mais écoutez, c'est normal, je vous vois beaucoup, on vous voit beaucoup à la télévision, mais je ne vous connaissais pas en vrai. Vous n'êtes pas trop déçue ? Ah non, au contraire, vous êtes encore plus charmante. C'est l'essentiel. Et puis on sent l'intelligence quand même assez vive. Alors, mais c'est vrai. Ça commence très très bien. Ouais. Oui, c'est mais vrai. Mais dis ça après m'avoir regardé, je suis un peu vexé. Ah ben, je vois la différence. Ouais. Alors, je vous présente mes petits camarades. Vous avez commencé votre carrière comme correspondante dans le Nord. Eh bien, on va vous ramener vers nos chères provinces grâce à Adeline François qui nous dira ce qui est arrivé près de chez vous. Avec le soleil qui brille sur la France, c'est le moment ou jamais de sortir notre maillot. Notre maillot express. Régis Maillot. Ah, c'est moi, oui. Alors, Stéphane, oui. Je vous interromps un instant. J'ai vérifié les archives. C'est la première fois qu'on vous reçoit, chère Anne-Claire Coudray. Tout à fait. Qui dit première fois, dit